mamita te veo alejao. Venga sola que tú estás invitada. Mira mamita te veo alejao. Venga sola que tú estás invitada. Tout le monde est pile bien calé. Pensez pas tes pots. Attention mais pas trop. Trouble bon niveau. Tout le monde est pile bien calé. Chinese et negro. Ramsa Hispano. Indiano güero. Indiano güero, Chinese and negro, Ramsa Hispano, Indiano güero.